السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خان الله عز وجل، on se retrouve après une longue interruption, والله المستعان, pour le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Salah Al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et donc, on va s'attacher à continuer à apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière détaillée, expliquée par un grand savant, hafidhahullah ta'ala. Et c'est telle la caractéristique des gens de la sunna, de donner l'importance à ce qui est le plus important avant ce qui l'est moins, même si tout dans la religion est important. Et le plus important dans la religion, c'est le tawhid, c'est l'aqidah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui a trait à la croyance et au credo. Et donc, Cheikh Mohamed Abdelwahab bin Abdelwahab rahimahullah ta'ala, le Cheikh l'Islam, il dit « Babu ma ja'a fi man lam yaqna' bil halifi billahi » Chapitre au sujet de ce qui a été rapporté concernant celui qui n'est pas satisfait par le fait de jurer par Allah. C'est-à-dire qu'il ne se satisfait pas de cela, qu'il ne se suffit pas de cela. « An ibn Umara radiallahu anhuma » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il rapporte dans ce chapitre, il dit d'après Ibn Omar, car il les agrée tous les deux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne jurez pas par vos aïeux. Celui qui jure par Allah, ce doit être véridique. Et celui auquel quelqu'un a juré par Allah, se doit de se satisfaire de cela. Et celui qui ne se satisfait pas de cela, Allah azza wa jal se désavoue de lui. » Et c'est rapporté par Ibn Majah avec une chaîne Hassan, c'est-à-dire une bonne chaîne de transmission. Évidemment, le mot Hassan traduit par bon, c'est une traduction linguistique. Ce n'est pas une traduction qui reproduit vraiment la terminologie dans le Musnad al-Hadith du Hadith Hassan. Mais al-Hassan, il fait partie du maqboul, de l'accepter, même s'il est en dessous de la daraja du Sahih. Alhamdulillah, mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que les traductions comme ça sont limitées. Ça ne reproduit pas vraiment le sens du mot Hassan. Dans la charia, surtout dans l'ilm Musalah al-Hadith. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, comme son habitude, il explique ce passage en disant « Munasabatu hada al-babi li kitab al-tawhid anna adama al-rida bil-halifi billah yunafi kamal al-tawhid li dalalatihi ala qillati ta'zimi al-rabbi jalla jalaluh » Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité est, ou si vous voulez, le caractère opportun de citer ce hadith dans le cadre de ce chapitre, qui est un des chapitres du livre de l'unicité, eh bien c'est que ne pas accepter le serment de quelqu'un qui jure par Allah s'oppose à la complétude, au fait que l'unicité, la complétude de l'unicité, au fait que l'unicité soit complète. Kamal, il a dit ici Kamal, yunafi Kamal, al-Tawhid. Car cela indique le peu de vénération qu'il a envers son Seigneur, exalté soit-il. Puis ensuite, il explique les termes ici. Il dit « Ma ja'a fi man ila akhiri, ay min al-wa'id. » Ma ja'a fi man, ce qui a été rapporté au sujet d'eux, c'est-à-dire en termes de menace, al-wa'id. Al-halifu huwa al-qasamu. Al-halif, al-qasam, c'est le serment, c'est le fait de jurer. La tahlifu bi-aba'ikum nahyun anil qasami bil-aba li'annahu al-ma'rufu indahum ولا مفهوم له لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. Qu'est-ce que ça veut dire ici? لا تحلفوا بآبائكم, ne jurez pas pour vos aïeux. Ici le cheikh il dit نهي عن القسم بالآباء لأنه هو المعروف عندهم ولا مفهوم له لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est une interdiction de jurer par les aïeux, par les pères, car c'est ce qui était connu chez eux. Il ne faut pas comprendre ici de l'interdiction de jurer par les aïeux qu'il est permis de jurer par autre qu'eux. Car l'interdiction absolue de jurer par autre qu'Allah a précédé. C'est-à-dire ici que comme l'interdiction, elle est spécifique ici, au fait de dire la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos aïeux. Il ne faut pas comprendre par cela qu'il est autorisé de jurer par autre qu'Allah en dehors des aïeux. Pourquoi? Parce qu'il y a le nahi al-mutlaq, c'est-à-dire qu'ici il a dit le taqaddum an-nahi al-qasami bi ghayrillah mutlaqa, car l'interdiction absolue de jurer par autre qu'Allah a précédé. Et sur ce passage, je suis revenu à des gens de science qui m'ont expliqué ça comme ça, c'est pour ça que je vous l'ai traduit comme ça. فليصدق أي وجوبا تعظيما لليمين بالله لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به فليصدق c'est-à-dire qu'il soit véridique c'est-à-dire de manière obligatoire par vénération du serment par Allah car la véracité est obligatoire et c'est même s'il ne jure pas par Allah alors qu'en est-il lorsqu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir maintenant, inshallah. Falyarda, falyarda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ay wujuban ta'dima lil yamin billah wa hada 'ammun fi ad-da'awa wa ghayriha. Falyarda, qu'il se satisfasse, c'est-à-dire de manière obligatoire, c'est un fi'l amr ici. C'est pour ça d'ailleurs que harf al-'illa est mahdouf. Hein? Parce que l'asl c'est falyarda, yarda. Et donc ici, falyarda, qu'il se satisfasse, c'est-à-dire de manière obligatoire, et ce par respect du serment par Allah. Et ceci est général dans les accusations ou autres. C'est un problème de câblage, je crois. Il n'est pas là, le frère. Non. Ah oui? C'est un problème de chez eux ici, un interrupteur ou la haja. فليس من الله هذا وعيد أي فقد برئ الله منه فليس من الله ceci est une menace هذا وعيد. Vous avez la notion toujours en charia de وعد et de وعيد. Le وعد c'est les promesses et le وعيد la menace. Vous avez الترغيب et الترهيب. الترغيب c'est le fait d'inciter, sont les textes qui incitent à faire des actions et الترهيب c'est les textes qui font qui effraient, qui font peur, pour ne pas pour ne pas commettre certaines actions. Donc, le targhib ou le tarhib. Le wa'd et le wa'id. Donc, il dit ici le cheikh Hafidahullah Ta'ala, fait laisser min Allah, ceci est une menace, c'est-à-dire qu'Allah se désavoue de lui. Et donc, ça c'est une menace, et donc toute personne qui ne veut pas que Allah se désavoue de lui, eh bien, il ne doit pas jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça c'est satisfaire. Jusqu'à la fin de l'explication, comme l'a fait Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, ici. Ma'na al-hadith ijmala. Ici, c'est hadithi, hein, c'est pas hadithu. Yanha sallallahu alayhi wa sallam, al-hadithi bil-aba, li'anna al-halifa ta'zimun lil-mahloufi bih. Wa ta'zimu haqqu lillahi subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'muru man halafa billahi an yakuna sadiqan fima yahlifu bih, alayhi. Li'anna sidqa mimma awjabahu allahu ala ibadihi mutlaqa. فكيف إذا حلفوا بالله ويأمر صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين أن يرضى باليمين لأن ذلك من تعظيم الله ثم يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله لأن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. كان لسان جنرال دو سو حديث. Mais c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit de jurer par les aïeux. Car le serment est une glorification de ceux par lesquels on jure, alors que la glorification est un droit d'Allah seul. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonne à celui qui jure par Allah d'être véridique. Quant à ceux au sujet duquel il jure, car la véracité fait partie des choses qu'Allah a rendues obligatoires à ses serviteurs de manière absolue. Qu'en est-il lorsqu'il jure par Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne également à celui auquel on jure par Allah, dans une dispute ou autre, de se satisfaire de ce serment. Car cela fait partie de la vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam clarifie la menace sévère au sujet de celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah. Car cela indique son absence de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh dit ici, مناسبة الحديث للباب أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la menace sévère au sujet de celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, quels sont les enseignements, les fawaïd, tirés de ce hadith? Cyril va en citer quelques-uns ici. Il dit, hafidhahullah ta'ala, il y en a cinq. ما يستفاد من الحديث أولا الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله la menace sévère au sujet de celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا وجوب الصدق في اليمين. Deuxièmement, l'obligation de véracité lors des serments. ثالثا تحريم الكذب في اليمين. Troisièmement, le caractère illicite du mensonge lors des serments. رابعا حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. Le bon soupçon envers le musulman tant qu'on ne voit pas le contraire de lui. Cinquièmement, وجوب تصديق من حلف بالله إذا كان من أهل الإيمان. L'obligation de croire celui qui jure par Allah s'il fait partie des croyants. Avec cela, on a fini ce chapitre. On rentre dans le chapitre suivant qui est Babu qawli ma sha'a Allah wa shi'at. Chapitre au sujet de la parole, ce que Allah veut et ce que tu veux. An Qutaylata anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala innakum tushrikuna taquluna ma sha'a Allah wa shi'at wa taqulun wal ka'bah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma sha'a Allah thumma shi'at. Le hadith rahu an-nasa'i wa sahahahu. D'après Qutaylah, qu'un juif est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: vous commettez du polythéisme car vous dites ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Et vous dites: je jure par la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors ordonné, lorsqu'ils veulent jurer, de dire: je jure par le Seigneur de la Kaaba. Et de dire ce qu'Allah veut puis ce que tu veux. Rapporté par an-nasa'i qui l'a jugé authentique. Et ce hadith l'a rapporté par An-Nasa'i, et Ahmed, et le Bayhaqi, et le Hakim, qui l'a jugé authentique aussi, et le Dahabi, rahimahullah, qui fut d'accord avec l'imam Dahabi, avec l'imam Hakim. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant, hafidhahullah ta'ala, munasabatu hada al-babi li kitab al-tawhid, anna hada al-bab dakhilun fi babi qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada al-aya, wa qad sabaqa bayanu munasabatihi. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'Icité est que ce chapitre entre dans la parole d'Allah, le trio dans la traduction du sens est, ne lui cherchez donc pas des égaux. Et nous avons déjà clarifié précédemment son caractère opportun au sein du livre de l'Unicité. At-Tarajum, la biographie de Qutaylah, Qutaylatu bidhamm al-qaf wa fath al-ta' musaghara bintu Sayfi al-Juhaniyya, sahabiyya radiyallahu anha. Alors, qui est Qutaylah avec une dhamma sur le qaf et une fatha sur le ta en guise de diminutif? Qutaylah. C'est la fille de Sayfi al-Juhaniyya, une compagnon, une compagnonne, qu'Allah l'agré, radiallahu anha wa ardaha. Alors, les termes ici utilisés, qawl ma sha'allahu wa shi'at, ay, ma hukmu takallum bidhalika hal yajuzu am la. وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا. Donc قول ما شاء الله وشئت, la parole ce qu'Allah veut et ce que tu veux, c'est-à-dire quel est le jugement de dire cela, est-ce permis ou pas, et si ce n'est pas permis, est-ce que cela fait partie du shirk, l'association Allah عز وجل, ou pas. تشركون أي الشرك الأصغر. تشركون, vous commettez du polythéisme, de l'association Allah, c'est-à-dire de l'association à Allah mineur, الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت وهذا فيه تشريك في مشيئة الله. ما شاء الله وشئت, ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Il y a en cela le fait de donner un associé à Allah dans sa volonté. وتقولون والكعبة وهذا قسم بغير الله. Et vous dites والكعبة, c'est-à-dire qu'il jure, je jure par la Kaaba. Ceci est juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général du hadith est le suivant. المعنى الإجمالي للحديث, ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقعوا في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلف بالله وأن يعطف مشيئة العبد على مشيئة الله بثم، التي هي للترتيب والتراخي لتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. Le sens général du hadith, ce juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains musulmans tombaient dans le politisme mineur lorsque ce genre de formulation qu'il a cité émanait d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma son dire que cela faisait partie du politisme mineur et il orienta alayhi sallallahu alayhi wa sallam alors vers l'utilisation de formulations éloignées, de paroles éloignées du politisme en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala et de citer la volonté d'Allah azza wa jal, et de citer la volonté du serviteur après la volonté d'Allah Azza wa Jal, en utilisant la particule puis, thumma, thumma, pas et. Parce que et, il y a une notion d'égalité. Tandis que thumma, il y a une notion de que l'un vient après l'autre. En utilisant la particule puis qui indique un ordre et une succession. C'est difficile à traduire ces termes-là, tertib, ça va, c'est un ordre. Tarahi, c'est juste que l'un il vient après l'autre en fait. Qui viennent après. Et donc ici, qui indique un ordre et une succession afin que la volonté d'Allah, la volonté du serviteur, pardon, suive et vienne après la volonté d'Allah. Le rapport entre le hadith et le chapitre, Munasabat al-Hadith il bab, anna fihi bayana anna qawla ma sha Allah wa shi'at, shirkun. Eh bien, quel est le caractère opportun de citer ce hadith dans ce chapitre, ou quel est le rapport entre ce hadith et le chapitre duquel il fait partie, c'est-à-dire que ce hadith fait partie de ce chapitre, donc il y a une raison, eh bien, c'est qu'il y a dans ce hadith la clarification que la parole, ce que Allah veut et ce que tu veux, est une association à Allah Azza wa Jal, un shirk. Ma yustafadu min al-hadith. On va apporter des enseignements tirés du hadith, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il va en citer 9. Et il dit, awwalan, أن قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على اعتبارهما من الشرك. Le premier enseignement, c'est la parole, ce qu'Allah veut et ce que tu veux, et jurer par autre qu'Allah aussi, sont tous deux de l'association Allah Azza wa Jal. Car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم confirme à les dires du juif qu'il est considéré comme faisant partie du domaine de l'association Allah subhanahu wa ta'ala. ثانياً معرفة اليهود بالشرك الأصغر، la connaissance des juifs du politisme mineur. ثالثا فهم الإنسان إذا كان له هوى، la compréhension de l'individu lorsqu'il a une passion, s'il a une passion. رابعا قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، l'acceptation de la vérité de la personne de qui elle émane, et ceci même si c'est un ennemi qui transgresse ou s'oppose à la religion. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. Le politisme mineur ne fait pas sortir de la religion. سادسا الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. S'éloigner des formulations qui portent atteinte à la croyance et les remplacer par les formulations qui sont éloignées de l'association à Allah عز وجل. سابعا أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل. Badila, alladhi yughni anhu idha amkan. Lorsque le savant interdit quelque chose, il montre ce qui remplace cette chose, si c'est possible. Et Cheikh Ahmed Najm rahmatullah alayhi, il avait rapporté une règle qui dit la yushtaratu fi tarki ma nahaa Allah anhu wujud al-badil. C'est pas une condition qu'il y ait un remplacement pour délaisser ce qu'Allah a interdit. Huitièmement ici, أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها. L'interdiction d'association à Allah est générale et rien n'en est correct, même la Kaaba qui est la maison d'Allah sur sa terre, qu'en est-il alors avec autre que la Kaaba. تاسعا وأخيرا إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة مشيئتي الله سبحانه وتعالى. Donc le neuvième point ici, c'est l'affirmation de la volonté d'Allah ou de la volonté à Allah est l'affirmation de la volonté du serviteur. Mais cette volonté du serviteur, elle suit et vient après la volonté d'Allah. Dans un cours que j'ai fait de Ibn Abiz al-Qirawan et al-Fawzan al-Hafidhahullah, il est rentré un peu plus en détail parmi cette notion de, par cette notion de volonté. Vous pouvez y revenir, c'est enregistré sur miraf.fr, inshallah. On continue dans le chapitre. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit et il rapporte également, c'est-à-dire qui c'est il, on va voir, c'est l'imam Nasa'i رحمه الله, et il rapporte également d'après ابن عباس qu'un homme a dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ce que Allah veut et ce que tu veux et ce que tu veux. Il répondit, alayhi salatu wassalam, m'as-tu mis comme égal à Allah? Mais au contraire, ce qu'Allah veut seul. Les termes de, utilisés ici, walahu ay an-nasa'i. Walahu, et il rapporte également ici le damir ya'udu ila l'imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dans le pronom personnel, il revient à l'imam Nasa'i rahimahullah. Aja'altani, istifham unkar. Aja'altani, c'est une question. Aja'altani, m'as-tu mis? Aja'altani, m'as-tu mis comme? Mais c'est une question réprobative. De réprobation, de blâme. Niddan ay sharikan. Niddan un égal, c'est-à-dire un associé. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Ankara alayhi salatu wassalam ala man atafa mashi'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ala mashi'ati Allah bil waw, lima yaqtadi hadha al-atf min at-taswiyah bayna Allah wa bayna al-makhluq, wa i'tabara hadha min ittikhad ash-sharik lillah, thumma asnada al-mashi'ata ila Allah wahdahu. Le sens général du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a blâmé celui qui a coordonné la volonté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la volonté d'Allah au moyen de la particule « et ». Et en raison de ce que cette coordination implique comme mise à égal entre Allah et la créature. Il a considéré cela comme le fait d'attribuer un associé à Allah azza wa jal. Puis il a attribué la volonté à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a dit « bal ma sha'a Allah wahda ». Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'on dit puis ou est-ce qu'on se limite à dire Masha'Allah wahda? Ou est-ce qu'on dit Masha'Allah thumma Masha'it? Cheikh Al-Fawzan, il va répondre dans un instant, Inch'Allah, que les deux sont permis, mais ce qui est le plus recommandé, c'est de dire Masha'Allah wahda. Donc ici, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, Munasabatu al-hadithi lil-bab, anna qawla Masha'Allah wa shi'it, wa m'ashbah hadha al-lafd, min ittikhadi niddi lillahi il-mani anha. بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من سورة البقرة. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que la parole ce qu'Allah veut et ce que tu veux et les autres formulations similaires sont une mise à égal d'autres qu'Allah avec Allah, ce qui est interdit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens est, ou ce qui était interdit par la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens est. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Surat al-Baqarah, verset 22. Le hadith, il est rapporté par Ahmed aussi, on n'a pas dit ça. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan, comme son habitude, il rapporte les enseignements tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan, al-nahyu an qawli ma sha'allahu wa shi'at. Wa ma ashbahu mimma fihi atfu ma shi'ati al-abdi ala ma shi'ati Allah bil-wawi wa ma ashbah dhalik. Le premier enseignement, l'interdiction de dire ce que Allah veut et ce que tu veux, et ce qui est similaire comme parole, et dans lesquels il y a une coordination de la volonté du serviteur à la volonté d'Allah, au moyen de la particule « et autres particules similaires. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué, il y a une mise à égal avec la particule « et », tandis qu'avec « puis », eh bien on sort de cette interdiction-là et on sort de cette mise à égal. Deuxièmement, أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. Quiconque met égal à égal autre qu'Allah à Allah, et ce même si c'est de l'ordre du polythéisme mineur, l'aura pris comme égal d'Allah. رابعا, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمحم التوحيد وسد طرقه وسد طرق الشرك وسد طرق الشرك. Et le troisième, on avait oublié d'abord, c'était Inkar ou le Munkar. Ça, c'est un des enseignements ici. C'est le fait de réprouver ce qui est de l'ordre du blâmable. Puis le quatrième, comme on a dit en arabe, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a protégé l'unicité et fermé les portes du polythéisme ou au polythéisme. Dernière partie de ce chapitre, de ce deuxième chapitre pour aujourd'hui, eh bien, c'est la parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdelwahab rahimahullah ta'ala qui rapporte Ibn Majah. Il dit « وَلِبْنِ مَاجَهْ عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمِ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده والحديث أخرجه ابن ماجة وأحمد الحديث رابورتي بار ابن ماجة وأحمد. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdelwahab, rahimahullah ta'ala, il dit, et Ibn Majah a rapporté d'après At-Tufayl, le frère de Aïcha par sa mère, j'ai vu en rêve comme si j'étais chez une tribu juive. Et je leur ai dit, quelle bonne gens vous seriez si vous ne disiez pas que Uzair est le fils d'Allah. Ils répondirent, c'est-à-dire les juifs, et vous, quelle bonne gens vous seriez si vous ne disiez pas ce que Allah veut et ce que Mohammed veut. Puis je suis passé près d'une tribu de chrétiens et je leur ai dit, toujours en rêve, hein, quelles bonnes gens vous seriez si vous ne disiez pas, le Messie est le fils d'Allah. Ils répondirent, et vous, quelles bonnes gens vous seriez si vous ne disiez pas ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut. Lorsque je me suis réveillé, j'ai informé de cela ce que j'ai informé. Puis je me suis rendu chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et je l'en ai informé. Il dit alors, en as-tu informé qui que ce soit? Je lui répondis, oui. Il fit les louanges d'Allah et les éloges d'Allah, puis dit, ceci étant dit, Tufayl a certes eu un rêve au sujet duquel il a informé ceux qu'il a informés parmi vous, et vous dites une parole qui m'empêchait de telle et telle chose de vous l'interdire. Ne dites donc pas ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut, mais dites plutôt ce qu'Allah veut seul. Les mots ici utilisés, d'abord la biographie de Tufayl, Tarajum, Tufayl huwa Tufayl, ibn Abdillah ibn al-Harith, ibn ici, vous avez quoi? Vous avez Sakhbara ici. Je dois vérifier ceci. On va laisser ça en suspens. Al-Azadi, sahabi radiallahu anhu. Wa laysa lahu illa hadha al-hadith. Al-Tufayl, c'est Ibn Abdillah ibn al-Harith. Bnou, ici, il est marqué Sakhbara, d'après ce que je lis ici. Mais il faut que je vérifie ce point-là. Je le mettrai dans le PDF, inshallah. Al-Azadi, un compagnon qu'Allah le trio ou l'agré, qui n'a rapporté que ce hadith. Radiallahu anhu, arda. على نفر النفر رهط الإنسان وعشيرته اسم جمع يقع على الرجال خاصة على نفر نفر ici c'est auprès d'une tribu, c'est la tribu d'un individu et c'est un nom pluriel qui est utilisé de manière spécifique ici pour les hommes. لأنتم القوم أي نعم القوم أنتم لأنتم القوم c'est-à-dire vous seriez de bons gens لولا أنكم تقولون عزير بن الله et لولا ما انتم عليه من الشرك بالنسبه للولد الى الله وهذا لان عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب فقالوا في هذه المقاله وقيل كذلك لانه نبي لولا انكم تقولون عزير ابن الله si vous ne disiez pas que عزير est le fils d'Allah, c'est-à-dire si ce n'était le polythéisme dans lequel vous êtes en attribuant à Allah un fils, cela car عزير connaissait la Torah par cœur. Et donc ils ont dit cette parole à son sujet que c'était le fils d'Allah. Il a aussi été dit que c'est parce que c'était un prophète. تقولون ما شاء الله وشاء محمد عارضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر. تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. Et vous dites ce que Allah veut et ce que Mohammed veut. Ils se sont donc opposés à lui quand il leur a dit cela. Alors, vous serez certes de bonnes gens si vous ne disiez pas que Uzair est le fils d'Allah. Ils lui ont répondu, au noble sahabi, en lui répondant que ce que certains musulmans commettent en termes de polythéisme mineur. تقولون المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام. تقولون المسيح. Vous dites que le Messie, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur lui. Alors ici, une faïda que je rapporte souvent quand j'entends le mot, je lis le mot Messie. Il y a le Messie Isa ibn Maryam et il y a le Messie Ad-Dajjal. C'est le même mot. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, dans son Kitab Tawhid, il rapporte une belle faïda. Il dit que Messie, pour Isa alayhi salam, c'est à la wazn Messie, en arabe. C'est-à-dire celui qui m'sah. Parce que Isa alayhi salam, il avait reçu ce miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il passait sa main, que les gens guérissaient avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le Messie Ad-Dajjal, c'est à la wazn mamsouh. Ici c'est un isme faoul. Alors que l'autre c'est un isme faoul. Mamsouh, pourquoi les anhu mamsouh l'ayn? Parce que son œil est effacé, il est borgne. D'accord? Donc c'est une faïda par rapport aux deux masih. Masih et mamsouh. Ça c'est dans le charh kitab tawhid de Cheikh Al-Uthaymeen. Al-Qawl Mufid ala kitab tawhid. Ils ont dit cela. Pourquoi ils ont dit que Isa alayhi salam. C'est-à-dire ici Isa, le Messie, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur lui. Isa ibn Maryam, alayhi salam. Ibn Allah, fatushrikuna billah bi nisbati al-waladi ilay. Wa innama qalu hadha fi Isa, alayhi salam, li'annahu min ummin bila ab. Ibn Allah, le fils d'Allah, et donc vous associez à Allah en lui attribuant un fils. Ils ont dit cela au sujet de Jésus, car il est né d'une mère sans avoir de père. حمد الله وأثنى عليه الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره والثناء هو تكرار المحامد حمد الله وأثنى عليه إلى فعل الوانج لله الحمد de faire les éloges les louanges d'Allah au sujet des actions de grâce volontaire en termes de bienfaits et autres et الثناء c'est تكرار المحامد. C'est la répétition des louanges. كان يمنعني كذا وكذا والحياء كما في الروايات الأخرى لأنه حين ذاك لم يعبر بإنكارها. Ici, très important ici, le professeur lui a dit, vous dites une parole que telle ou telle chose m'empêchait de vous interdire. Et c'est quoi ce telle ou telle chose? Eh bien, c'est expliqué dans une autre version du hadith, où en fait c'est la pudeur. Pourquoi? Car à ce moment-là, avant cela, au moment où le prophète sallam était empêché par sa pudeur, c'est parce que le prophète sallam n'avait pas été ordonné, n'avait pas reçu l'ordre de réprouver cela, de blâmer cela. Le معنى الإجمالي للحديث يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين فأنكر عليه ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك فعارضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم وعندما أصبح قص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. Le sens général du hadith est qu'At-Tufayl, car Al-Agri informe qu'il a vu en rêve qu'il est passé près d'un groupe de gens de deux religions, un groupe de juifs et un groupe de chrétiens. Et leur a reproché ce qu'ils ont en termes de polythéisme en attribuant à Allah un fils. Allah est élevé certes au-dessus de cela. Et ils lui ont répondu en lui disant ce qu'en font certains musulmans en termes de polythéisme mineur, qui se retrouve dans certaines de leurs paroles. Lorsqu'il se réveilla, il raconta son rêve au prophète alayhi salatu wassalam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam le rendit public et reprocha aux gens de dire cette parole qui est du domaine de l'association Allah azza wa jal. Et leur ordonna de dire des paroles qui sont pures de toute association Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبه من الألفاظ شرك أصغر كما سبق. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique que dire ce qu'Allah veut et ce que Muhammad veut et ce qui est similaire en termes de parole est une association à Allah mineure comme cela a été établi auparavant. Les enseignements tirés de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث. يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملة. جاها بارلت ها. On arrive à la dernière partie, ça. On vient de dire qu'on va citer les enseignements, donc on va citer les enseignements. Il y en a cinq. نعم, il y en a cinq. C'est quoi, c'est le premier, l'اعتناء بالرؤيا. وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le fait de s'occuper des rêves, ils étaient une cause de législation de certains jugements au temps du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, anna qawla ma sha'a Allah wa sha'a fulan, la parole, ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut, wa ma ashbaha dhalika shirkun asghar, et des paroles similaires qui sont de la même teneur, et bien à ce moment-là, ça rentre dans le polythéisme mineur. ثالثا معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من أجل الطعن بالمسلمين. La connaissance des juifs et des chrétiens du polythéisme mineur, malgré ce qu'ils avaient en eux, ce qu'ils avaient eux en termes de polythéisme majeur, et ce afin de critiquer les musulmans. رابعا تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب والقول أما بعد فيها. Faire les éloges et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala avant les sermons et dire amma ba'd, ceci étant dit dans ces sermons. Quand dans le khutbah al-haja par exemple, inna alhamdulillah, etc., jusqu'à ce qu'on arrive amma ba'du. Khamisan wa akhiran, istihbab qasr al-mashi'ati 'ala Allah wa in kana yajuz an yaqul ma sha'a Allah thumma sha'a fulan. Et ça, c'est la mis'ala à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Cheikh Al-Fouzan, il dit, hafidhahullah ta'ala, il est recommandé de se limiter à citer la volonté d'Allah seul, même s'il est permis de dire ce qu'Allah veut, puis ce que veut un tel. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Jazakum Allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.